troisième jour de cette semaine, mais deuxième temps de notre série consacrée à la littérature de témoignages, car hier il n'y a pas eu de Fabrique de l'Histoire en raison de la grève à Radio France. Lundi, l'historienne Julie Clioncan nous a expliqué ce qu'on pouvait considérer comme une littérature de témoignage au XXe siècle. Demain, le documentaire de Victor Massé de Lépinay et Thomas Duterre nous racontera l'histoire incroyable d'un petit texte publié en 2006, L'Homme Semence, dont le succès d'édition est une véritable surprise. Aujourd'hui, nous allons, grâce à des textes lus par Daniel Königsberg et avec Victor Massé de Lépinay, qui co-animera cette émission avec nous, nous interroger sur les récits de croisade et nous demandant de quoi ils témoignent. Nous le ferons en compagnie de Catherine Croisinac. Elle est professeure de littérature médiévale à l'université de Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle a édité en 2014 chez Champion l'histoire de la guerre sainte, histoire de la troisième croisade. Anne-Marie Aidé est également avec nous. Elle est professeure émérite à Paris 1, Panthéon Sorbonne, spécialiste de la figure de Saladin. Nous en parlerons avec elle. Hier, sur la mort d'Alexandre qui causa une telle rumeur, sur les aventures de Tristan, sur Paris et Hélène que l'amour fit tant souffrir, sur les prouesses d'Arthur de Bretagne et de ses hardis compagnons, sur Charlemagne, sur Pépin, sur Agolande et sur Guiteclin, sur les vieilles chansons de geste dont les jongleurs font si grande fête, je ne sais vous dire ni vérité, ni mensonge, ni affirmer, ni contredire ce qu'on me raconte. Mais ce qu'ont vu tant de gens qui l'ont eux-mêmes souffert devant Acre, les peines qu'ils eurent, les grandes chaleurs, les grands froids, les maladies, les tourments de tout genre, je peux vous en faire le compte véridique, et cela vaut la peine d'être écouté. Vous venez d'entendre Daniel Königsberg lire le premier texte de cette série d'émissions, de cette émission d'aujourd'hui consacrée donc à la question de la croisade et des récits qui la racontent, ces croisades ou des croisades en l'occurrence. Bonjour Victor Massé de Lépinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Anne-Marie Aidé. Bonjour. Bonjour à vous Catherine Croisinacé. C'est vous Bonjour. Qui avez choisi ce texte tiré de l'histoire de la guerre sainte publié chez Champion que vous avez édité donc en 2014, qui est donc un récit de la troisième croisade. Et ce que nous dit ce texte, c'est que, eh bien, des autres histoires, que ça soit les histoires de la Table Ronde ou de Charlemagne, l'auteur ne peut pas témoigner, mais de cela, il peut témoigner et il dit la vérité. Oui, il dit la vérité parce qu'en fait, il était sur le terrain. Et donc, il y a une chose qu'il affirme tout au long de son récit, c'est qu'il était témoin par les verbes témoigner, le témoignage. Et donc, le fait d'avoir vu est d'une valeur de vérité, est une caution de vérité. Donc, voir, c'est dire le vrai, c'est être présent. Donc, c'est faire l'expérience au quotidien, sur le terrain même de l'action. Et donc, il se pose en témoin, mais en témoin privilégié, en témoin authentique de ce qu'il a vu. Mais ça, c'est une valeur, effectivement, qui est partagée pour tous ces récits du Moyen-Âge ? Oui, le témoignage oculaire est fondamental. C'est lui qui garantit la vérité de l'histoire. Et donc, dans de nombreux récits, et dans les autres récits aussi que j'ai retenus ici, parce que ce sont des chroniques de croisade, qui sont ici faites par des auteurs qui ne sont pas des auteurs professionnels, en tout cas les trois, c'est-à-dire Robert de Clary, Jean de Joinville et Geoffroy de Villehardouin, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des acteurs de terrain, ce sont des hommes d'action, et non des hommes de plume. Et donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est justement la vérité de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont entendu aussi, parce que les témoignages autres sont également très importants. Oui, mais néanmoins, on peut se dire parfois que, par exemple, sur le compte des nombres de personnes qui accompagnaient les croisés ou de ceux qui étaient en face, on ne sait pas très bien, on se dit toujours est-ce qu'ils étaient véritablement 200, est-ce qu'ils étaient 2000, est-ce qu'ils étaient 500 ou 20, on ne le sait pas très bien parce qu'on ne sait pas quelle est la nature même de ce que signifie un chiffre, un nombre de ce type dans une bataille, par exemple, pour la période médiévale au moment des croisades, Catherine Croisinacé. Alors, dans les chansons de gestes, visiblement, c'est toujours des chiffres extraordinairement importants. Là, en revanche, il y a une tentative de précision. Et dans l'histoire de la guerre sainte, ce qui est très frappant, c'est la façon dont il raconte, par exemple, le siège d'Acre, qui a duré 2 ans. Et donc, il donne des détails très précis sur la manière dont le combat est mené. Il donne des détails également sur le nombre des participants. Alors, je ne vous dis pas que c'est d'une exactitude absolue, mais en tout cas, par rapport à la littérature, justement, aux chansons de gestes, il y a une véritable tentative d'être le plus fidèle possible à ce qu'il voit. Et je pense que de ce point de vue, ce sont des témoignages qui peuvent être pris au sérieux, enfin en tout cas qui méritent d'être pris considéré. En considération. C'est ça. Victor Massé de l'Épinay. C'est intéressant que cet auteur commence par parler des textes classiques, mythologiques ou de la chanson de gestes. Justement, cet auteur les connaît, les a lus, il en est imprégné, comme nous tous, mais peut-être plus fortement encore à l'époque. Comment est-ce que, littérairement, dans la lettre, il va se démarquer de tout cet héritage qu'il a reçu, de tout cet environnement intellectuel et artistique? Il ne s'en démarque pas vraiment, parce qu'on retrouve un certain nombre de motifs épiques, par exemple, dans le texte. Richard Cœur de Lion est plus ou moins comparé avec Charlemagne, puisqu'il y a un jeu de mots sur Richard Charlemagne et Charlemagne, donc le grand. Et puis, il est présenté aussi comme un héros de chansons de gestes à plusieurs reprises. Néanmoins, il y a des faits qui sont vécus sur le terrain qui font qu'on dépasse en quelque sorte cette approche qui serait une approche strictement littéraire. Disons que la fiction ou la littérature est là d'une certaine façon pour représenter, rendre plus accessible au public ce qu'il est en train de raconter. Anne-Marie Edé, qu'en est-il du côté donc de ceux qui sont combattus par les croisés, puisque vous êtes spécialiste de cette région au Moyen-Âge? Est-ce qu'il y a l'équivalent de ces récits de croisade pour, disons, Saladin ou ceux qui l'ont précédé? Est-ce qu'il y a l'équivalent de cela, ou est-ce qu'au contraire, on a un autre type de récit? Oui, alors c'est intéressant en effet, parce que il y a une certaine différence. Catherine Croisinaquet parlait à l'instant de récits faits par des non-professionnels, par des gens du terrain. Dans le monde arabo-musulman à l'époque des croisades, ce sont plutôt les hommes de plume qui vont raconter ces croisades. Mais ce qui est intéressant, les hommes de plume, c'est-à-dire les courtisans, les proches des seigneurs, voilà, ils sont divers. Il y a des hommes de lettres, il y a parfois des poètes, il y a des juristes, des hommes de religion, ce qu'on appelle les oulémas, des spécialistes de sciences religieuses. Il y a des administrateurs, des secrétaires qui écrivent dans un style d'ailleurs extrêmement fleuri, qui est le style de chancellerie. Donc ce sont des hommes divers, mais en général ce sont des hommes de plume. On n'a pas par exemple de récits de prisonniers qui feraient le récit de leur captivité, ou même de combattants de la base qui raconteraient comment ça s'est passé. En revanche, ces hommes de plume participent aux expéditions. Donc ils sont sur le terrain. Ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Ils sont sur le terrain parce qu'on a besoin d'eux pour rédiger des correspondances, pour rédiger les traités lorsqu'il y a des trêves, pour régler des conflits éventuellement à l'intérieur de l'armée, pour haranguer les troupes et les inciter à se battre contre les Francs. Donc, ils sont sur le terrain et ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Mais la grande différence avec l'Occident et avec les sources latines en particulier, c'est qu'il n'y a pas d'histoire des croisades proprement dites. Elles ne sont pas menées par les arabo-musulmans eux-mêmes. Et au départ, le phénomène échappe à ces auteurs-là. Mais on aurait pu penser que par la suite, ils auraient pu consacrer un ouvrage à cette histoire des expéditions franques. Or, ce n'est pas le cas. Les croisades sont toujours évoquées au fil d'un récit, souvent chronologique ou bien dans la biographie d'un personnage, mais au fond comme un conflit parmi d'autres dans cette région du Moyen-Orient qui en a vu beaucoup passer effectivement. Et justement, comment on peut l'expliquer, justement, le fait qu'il n'y ait pas de cristallisation autour de cette notion de croisée, de croisade, alors que ça dure tout de même un bon siècle et demi, voire 2 siècles, autant que cela? Et donc, au bout du compte, on se dit, il y a tout de même 2 siècles d'occupation, de reprise, de pertes, etc. Donc il pourrait y avoir une histoire, et ça n'existe pas, Anne-Marie Edé. C'est compliqué, il est difficile de trouver une cause. En fait, on se dit aussi que peut-être il y a eu quelques histoires qui ne sont pas parvenues. On sait par exemple qu'il y a eu une histoire de l'histoire d'Alep et de la première croisade, de la première conquête franque, rédigée par un auteur syrien du début du XIIe siècle, mais qu'on ne connaît que parce que le titre de son ouvrage personnages est cité dans des auteurs postérieurs. Donc, peut-être qu'il y a eu des histoires qui ne nous sont pas parvenues. Et par ailleurs, je crois que l'explication fondamentale est que les musulmans à cette époque ne voient pas dans la croisade un phénomène particulier. C'est une notion qui n'existait pas, la croisade, par exemple, chez les Byzantins, chez les chrétiens auxquels ils étaient habitués, et contre lesquels ils étaient habitués. Vous dites qu'au tout début, Anne-Marie Hédé, eh bien, il ne voit pas très bien la différence entre ces francs et ces Byzantins. Oui, il pense d'ailleurs que c'est une sorte de complot des souverains byzantins pour pouvoir reprendre des places perdues. Exactement. Il faut pas oublier que il y a eu une grande offensive byzantine à la fin du Xe siècle et une reconquête de certains territoires justement qui étaient musulmans. Je pense en particulier, par exemple, à la région d'Antioche, bon, qui a été reprise par les musulmans avant l'arrivée des croisés. Mais les musulmans ont pu penser, même si on n'a pas vraiment de théorie sur la question, que finalement les croisés c'était des troupes au service des Byzantins pour reconquérir des territoires. Victor Massé de l'Épinay. Alors, peu de récits arabes sur la croisade spécifiquement. En revanche, en Occident, c'est bien le contraire. Catherine Croisinaquet, peu d'événements au Moyen-Âge ont produit autant de littérature, autant de sources que ces croisades. Pourquoi est-ce que des gens plus ou moins haut placés dans la société, dans ces croisades, pourquoi est-ce que les gens racontent ces croisades? Qu'est-ce qu'ils veulent dire et à qui? Mais parce que pour eux, les croisades, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Enfin, la foi est vive et aller à Jérusalem, faire le pèlerinage de Jérusalem, reconquérir la ville sainte, c'est un objectif absolument essentiel. Et puis, c'est aussi aller là-bas, c'est en fait la rémission de tous ces péchés. Enfin, vous avez le poids, en quelque sorte, de la religion qui est absolument fondamental et décisif. Donc, ce sont des fervents chrétiens qui partent là-bas. En tout cas, parmi les témoignages que nous avons. C'est comme cela que c'est présenté. Mais pourquoi le raconter? À qui est-ce que ces auteurs s'adressent? Pour édifier? Poser une question délicate, par exemple, pour l'histoire de la guerre sainte. On sait que c'est un auteur qui serait anglo-normand, donc on suppose que c'est dans le milieu de Henri II Plantagenet et puis de Richard Cœur de Lion. Donc c'est pour faire l'éloge de la figure de Richard Cœur de Lion en Terre sainte, puisque Jérusalem n'a pas été reprise, donc il y a quelque chose, en quelque sorte, de l'ordre d'une justification. Enfin, on veut dédouaner Richard Cœur de Lion de cet échec. Mais tout de même, il n'y a qu'un exemplaire existant, je crois, de cette histoire de la guerre sainte. Donc, quand on s'intéresse à la propagation d'un texte au Moyen-Âge, on essaye de voir combien il y en a de copies. Ça veut donc dire que c'est peut-être resté totalement secret ou à l'intérieur de la sphère Plantagenet. C'est ça. Et ça ne s'est pas répandu ailleurs. Non, mais un texte ensuite a probablement repris l'histoire de la guerre sainte. C'est un texte en prose latine du début du XIIIe siècle, donc qui raconte d'une autre façon, mais qui reprend les faits qui ont été déjà racontés, mais donc dans un médium qui est beaucoup plus accessible à partir du XIIIe siècle, la prose. Alors, premier témoignage, pourrait-on dire, premier récit de ces croisades, une histoire anonyme de la première croisade, qui est publiée, je crois, pour la première fois à la fin du 19e ou au début du 20e siècle aux éditions des Belles Lettres. C'était en 1924, je crois, par Louis Breillet. Eh bien, on en écoute un extrait, et ce que vous disiez à l'instant même, Catherine Croisinaquet, sur la question de la ferveur religieuse, est tout de suite présent, lu par Daniel Königsberg. Il y avait un pèlerin de notre armée. Pierre était son nom. À qui, avant notre entrée dans la ville, l'apôtre saint André apparut en lui disant « Que fais-tu, mon brave ?»« Toi, qui es-tu » répondit-il. L'apôtre lui dit « Je suis l'apôtre André. Apprends, mon fils, que quand tu entreras dans la ville, si tu te rends à l'église Saint-Pierre, tu y trouveras la lance de notre Sauveur Jésus-Christ par laquelle il fut blessé lorsqu'il était suspendu au gibet de la croix. » Après avoir dit ces mots, l'apôtre disparut. Cet homme, craignant de révéler le conseil de l'apôtre, s'abstint d'en faire part à nos pèlerins. Il pensait qu'il n'avait eu qu'une vision, et il lui dit « Seigneur, qui pourrait le croire ?» À l'heure même, saint André le prit et le conduisit à l'endroit où la lance était cachée dans la terre. Au moment où nous nous trouvions dans la situation décrite plus haut, saint André revint et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas enlevé la lance de la terre comme je te l'ai recommandé? Quiconque portera cette lance dans la bataille ne sera jamais vaincu, dit l'apôtre. » « Extrait donc de l'histoire anonyme de la première croisade publiée aux Belles Lettres, Victor Masset de Lépinay. Alors avant de revenir un peu sur cet anonyme, sur cet auteur qu'on appelle l'anonyme de cette histoire de la première croisade, un mot puisqu'on parlait de la vérité et des choses, des éléments objectifs. Il faut bien se mettre en tête quand on étudie ces sources sur les croisades qu'une apparition d'un apôtre, c'est quelque chose d'absolument objectif pour tous ceux qui écrivent et tous ceux qui lisent ces histoires. Catherine Croisinaquet. Oui, certainement. Ça, c'est même une vérité. D'ailleurs, dans l'histoire de la guerre sainte, il y a aussi des récits de miracles. Hein. Des récits de miracles, donc, effectivement, on peut les prendre comme l'on veut. Mais parallèlement, il y a quand même des éléments extrêmement précis sur de ce que le chroniqueur découvre sur le terrain. Hein. Donc, sur la vie en Orient, sur le quotidien, donc aussi bien sur les aléas du climat, c'est ce qui avait été dit donc dans le texte lu au début. Et puis, sur les malheurs, sur les souffrances, sur les discordances aussi entre les Sarrasins et puis les Anglais, et aussi ce qui est mis beaucoup en valeur, c'est l'opposition entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Donc il y a aussi derrière des choses qui sont, j'allais dire, des réalias, enfin des choses qui sont prises directement sur ce que le pèlerin est en train de vivre. Donc oui, bien sûr, il y a cette ferveur religieuse, les saints, enfin les chevaliers qui meurent vont au ciel, et donc on a l'âme qui part, etc. Mais ça fait partie, je pense, fondamentalement de cette culture, de la culture dont ils sont imprégnés. Oui, et cela évidemment pose des questions dans un texte critique paru dans Médiéval. Damien Kempf et Marcus Bull explique, le texte s'appelle L'histoire toute crue, la première croisade au miroir de son histoire, explique que effectivement, par exemple, on a longtemps voulu croire que cet anonyme était un anonyme, on l'appelait donc l'anonyme avec oui. Un A majuscule, que c'était une sorte de témoin extrêmement de bas étage, pourrait-on dire, de cette croisade. Et en fait, ils disent, quand on y réfléchit, les métaphores, les utilisations justement de grandes métaphores littéraires qui sont puisées aux meilleures sources de l'Antiquité en particulier, peuvent laisser entendre que ce n'est pas cet anonyme qui aurait été de la piétaille de cette croisade qui raconte cette histoire, parce qu'on a voulu rêver aussi cet anonymat comme étant une sorte d'identité possible, Catherine Croisinaquet. Oui, certainement. Simplement, pour en revenir au texte de l'histoire de la guerre sainte, il est évident que celui qui écrit est un pèlerin fervent, mais il est évident aussi qu'il possède une culture littéraire extrêmement approfondie qui lui permet justement de rendre compte de ce qu'il a vu et de rendre compte d'un témoignage de vérité. Et il connaît aussi le latin parce qu'il y a tout un passage où il fait une rétrospective sur les événements qui se sont produits à Acre avant le siège, donc qui montre aussi qu'il a une volonté de mise en perspective de ce qui se passe et qu'il connaît aussi parfaitement donc la situation. Oui, donc ces anonymes, d'ailleurs il y a un nom qui apparaît à cette reprise dans le texte, Ambroise. Pour votre histoire de la guerre. Voilà, et on l'a longtemps identifié comme l'auteur, mais il me semble que ce n'est pas le cas, enfin, parce que les historiens médiévaux, quand ils se prononcent, ils le font soit dans le prologue, soit dans l'épilogue, et puis dans le texte, on repère les différentes interventions de ces narrateurs historiens. Là, ça n'est pas le cas, c'est plus complexe. Mais peu importe, mais en tout cas c'est un anonymat peut-être par la force des choses, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est particulièrement cultivé et au fait de la situation. Et quand on raconte ces croisades, Anne-Marie Aidé, vues du côté des arabo-musulmans, sans qu'il y ait une véritable histoire des croisades telles qu'il y en a eu de nombreuses pour l'Europe occidentale, là aussi il y a de l'intertextualité, on va chercher des références à d'autres batailles, à d'autres moments de l'histoire arabo-musulmane, et on la réinsère dans une histoire contemporaine de l'époque, ou est-ce que en fait on tente de raconter ce qu'on a vu, comme le disait à l'instant Catherine Croisinaquet. Oui, l'importance et la place du témoignage dans la littérature arabe de cette époque. Cette place est relativement notable, en tout cas, même si a priori elle peut paraître moins importante que pour les sources latines, elle existe. Alors tout dépend évidemment du type de littérature que l'on examine, parce que il y a des genres littéraires différents, il y a des chroniques, il y a des biographies, il y a des traités, il y a des récits de voyage, et donc la place des croisades ne sera pas la même dans chacun de ces genres littéraires. Dans les chroniques, par exemple, on va insister davantage sur les combats, sur les batailles qui vont être décrites là aussi, et le témoignage de ceux qui y participent est évidemment essentiel. Parce que, Catherine Croisinaquet disait à juste titre que cela reflète effectivement une observation qui a été faite sur le terrain, une expérience, et c'est vrai aussi pour le côté musulman. En même temps, du côté musulman, en tout cas, ces témoignages ne sont pas toujours, on pourrait nous qualifier ça de témoignages subjectifs. Ce ne sont pas toujours, l'objectivité du personnage lorsqu'il témoigne et même lorsqu'il décrit ce qu'il voit n'est pas toujours parfaitement objective. Donc, et pourquoi justement? Parce qu'il est au service d'un prince? Oui, parce que ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des administrateurs, des oulémas, des gens proches du prince, et que par conséquent, il y a notamment dans les biographies des souverains la volonté de mettre l'accent sur ce qui va valoriser le personnage. Par conséquent, il faut lire ces témoignages comme on lirait tout autre type de source, puisque on sait qu'il peut être biaisé au départ. Même si, encore une fois, et là je rejoins tout à fait ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire que on a ainsi accès à des informations auxquelles on n'aurait pas accès autrement, parce que ce sont des gens qui ont vécu l'événement, qui en parlent, qui donnent des détails qui se trouvent nulle part ailleurs. Et je prendrai juste un petit exemple d'un auteur du XIIIe siècle qui s'appelle Ibn Wasil, qui se trouve au Caire lors de la croisade de Louis IX, et qui au Caire fait le compte jour par jour du nombre de prisonniers francs qui arrivent au Caire. Et oui, alors, et avec une grande précision. Une grande précision, et on parlait des chiffres. Ils sont 23, ils sont 42. Voilà, on parlait des chiffres tout à l'heure, alors là on est frappé par la mesure de ces chiffres. Bon, il y a, je ne sais plus, 46 prisonniers qui arrivent, dont deux chevaliers. Le 46 lendemain. Prisonniers francs capturés par les Bédouins, parmi lesquels deux chevaliers. Le lendemain, 22 autres pris par surprise qui entrèrent dans la ville, etc. Voilà. etc. Et ça, on ne pourrait pas l'avoir si ça n'était pas vraiment le résultat de l'observation sur place et du témoignage. Victor Massé-Lépinay. Alors, quand on connaît l'auteur de ces chroniques ou de ces récits, on est évidemment tenté de lui prêter une intention. C'est pour rendre hommage à un prince. Quand on ne connaît pas les auteurs de ces chroniques, par exemple l'histoire anonyme de cette première croisade, on a pu pendant longtemps fantasmer peut-être justement une objectivité en se disant « voilà quelqu'un qui est anonyme, qui ne dit jamais « je ». Et donc on aurait là, c'est ce qu'on a pu croire peut-être dans certains siècles, on aurait là un récit brut, une histoire toute crue, comme le dit Damien Kempf dans l'article qu'Emmanuel Laurentin a évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est un fantasme? Comment est-ce qu'on est sorti de cette idée d'une histoire qui serait totalement objective, puisque anonyme, Catherine Croisinaquet? Alors, je ne sais pas si on peut, en tout cas pour les textes du Moyen-Âge, c'est un petit peu difficile d'associer immédiatement l'anonymat à une forme de vérité. Parce que, d'abord, les causes de l'anonymat ne sont peut-être pas celles qu'on pourrait leur attribuer aujourd'hui. Parfois, on ne connaît pas les auteurs parce qu'on n'a aucune idée des contextes. C'est un peu le cas pour l'histoire de la guerre sainte. Donc, l'anonymat n'est pas une garantie d'objectivité, loin de là. Il suffit de regarder les textes, la manière dont ils sont travaillés, la rhétorique qu'ils mettent en œuvre pour voir que, derrière tout cela, il y a toujours une intention qui peut être une intention politique, religieuse. Et puis, ces textes sont destinés parfois à des cours précisément, des cours aristocratiques. Il s'agit par exemple, je reviens toujours à l'histoire de la guerre sainte, mais ça vaut également pour Joinville par exemple. Eh bien, c'est faire l'éloge du roi, du saint roi. Donc il n'y a jamais. Qui a accompagné Saint-Louis, justement. Voilà, justement. Donc il n'y a jamais de texte qui ne soit pas nourri d'intention. Alors maintenant, évidemment, il faut en mesurer l'empan, mais ça, c'est une autre affaire. Un autre extrait de cette histoire anonyme de la première croisade où on décrit l'adversaire, et c'est intéressant, on y reviendra tout de suite avec vous. Après, de savoir comment on parle de celui qui est en face, et en particulier les Turcs. Après que les Turcs, ennemis de Dieu et de la sainte chrétienté, eurent été entièrement vaincus et se furent enfuis pendant 4 jours et 4 nuits, il arriva que Soliman, leur chef, fils de Soliman l'Ancien, s'étant enfui, rencontra 10 000 Arabes qui lui dirent: ô infortuné et plus infortuné que tous les peuples, pourquoi fuis-tu épouvanté? Soliman leur répondit: parce que naguère, ayant vaincu tous les Francs, je les croyais déjà enchaînés en captivité, et pendant que je voulais les lier tour à tour les uns aux autres, regardant en arrière, je vis qu'ils formaient un peuple tellement innombrable que si vous ou tout autre eussiez été présent, il vous eût semblé voir toutes les montagnes, les collines, les vallées, les plaines couvertes de leur multitude. Et nous, à leur vue, nous poursuivîmes subitement notre chemin, poussés par une telle frayeur que ce fut à peine que nous parvînmes à nous tirer de leurs mains. Et, si vous voulez croire mes paroles, vous vous tirerez de là, car s'ils pouvaient seulement connaître votre présence, pas un de vous n'échapperait vivant. Lu par Daniel Koenigsberg, cet extrait de l'histoire anonyme de la première croisade publiée aux Belles Lettres. Alors là, c'est encore très étonnant, parce que ça doit arriver dans beaucoup de récits de croisade. On fait parler l'adversaire, mais comment sait-on que Soliman s'est adressé ainsi à ceux qui étaient en face de lui, c'est-à-dire ces 10 000 Arabes, là encore la question du chiffre. C'est assez intéressant parce qu'effectivement on se dit il faut, dans une dramaturgie comme celle-ci, montrer à la fois le courage des adversaires, mais aussi la capacité ou l'incapacité dans laquelle ils sont de vous combattre, et on va le raconter de telle ou telle manière, Catherine Croisinaquet. Eh bien, vous avez parlé de dramaturgie, c'est effectivement cela, et en particulier, alors une fois de plus, dans l'histoire de la guerre sainte, hein, on prête des discours à Saladin s'adressant à des émirs, à ses émirs, et ces discours sont directement calqués sur des modèles que l'on trouve dans la chanson de geste, en particulier une chanson qui s'appelle Apremont, où quelqu'un s'exprime comme Saladin. Donc il y a une reprise directe des motifs et donc de la représentation qui est donnée des orientaux, ou en tout cas la manière dont ils sont perçus dans l'Occident et par les croisés. On peut avoir Roland dans sa tête. Roland est présent aussi. On rapporte les batailles qu'a remportées Roland et les batailles de Charlemagne. Donc derrière, il y a tout l'arrière-plan épique qui guide en quelque sorte la perception de l'autre, des Sarrasins. Même chose pour vous, Anne-Marie Hédé, quand on raconte une bataille, gagnée ou perdue d'ailleurs. On tente de raconter soit la puissance de l'adversaire qu'on a fini par vaincre, soit la puissance de l'adversaire qui vous a vaincu parce qu'il était trop nombreux. Comment ça se passe exactement ? Oui, effectivement, les auteurs arabes mettent souvent l'accent sur le fait que ces Francs qu'ils combattent sont d'excellents guerriers, sont de très bons combattants, sont très courageux, ont le sens de l'honneur. Alors bien sûr, insister sur le fait qu'on a en face de soi d'excellents guerriers, ça permet aussi parfois de relativiser la défaite que l'on va subir face à eux. Donc il y a de ça, mais il y a aussi une certaine admiration qui est sincère, qui surgit parfois dans ces récits, et notamment par exemple à l'égard des ordres militaires, des Templiers, des Hospitaliers, que les musulmans de cette époque craignent particulièrement, et à qui ils attribuent un sens de l'honneur tout à fait important. Par exemple, certains auteurs nous disent que pour prêter serment et respecter une trêve, ils exigeaient que ce soit fait par des Templiers ou des Hospitaliers, parce qu'avec eux, on était sûr qu'ils respecteraient leurs paroles, ce qui n'était pas toujours le cas du côté des seigneurs francs. Vous nous présentez Ibn Shalhad, vous avez choisi un texte de Ibn Shalhad qui est une biographie de Saladin. Qui est-il ? Alors Ibn Shalhad, c'est un Irakien d'origine qui est venu s'installer en Syrie dans la seconde moitié du XIIe siècle auprès de Saladin. Il est devenu l'un des principaux conseillers, ami, on pourrait dire, de Saladin. C'était un cadi, c'est-à-dire un juriste. Il a écrit d'ailleurs un traité de djihad, d'incitation au djihad à l'intention de Saladin. Et il est surtout connu pour ce qu'on pourrait appeler une biographie. C'est pas tout à fait une biographie, mais en tout cas un récit du règne de Saladin et de ses campagnes contre les Francs, qui est particulièrement intéressante parce que justement il témoigne de choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Il retrace des dialogues. Alors là aussi, les dialogues, se sont-ils déroulés exactement comme ça ? On peut toujours se poser la question, surtout quand ils sont mis par écrit par la suite. Mais enfin, il y a en tout cas des observations qui sont extrêmement intéressantes, mais qu'il faut aussi lire toujours avec cette précaution, c'est-à-dire que son ouvrage est d'abord destiné à vanter les vertus de Saladin et à montrer que c'est finalement un souverain idéal. Et donc, il va mettre en valeur dans ses dialogues ses qualités de son souverain. Un extrait de ce texte d'Ibn Shaddad, donc lu par Daniel Koenigsberg. Quelques-uns de nos braves, montés sur de bons chevaux, se portèrent alors vers l'ennemi et lui lancèrent des flèches afin de l'attirer dans la plaine. Mais il ne sortit pas du camp, ayant probablement appris de quelques traites le but réel de cette démonstration. Cette journée, toutefois, ne se passa pas sans nous avoir donné un motif pour nous réjouir. On amena au sultan 45 francs qu'on avait fait prisonniers à Beyrouth. Je fus alors témoin du plus beau fait qu'on puisse voir et qui indiquait combien il avait le cœur sensible. Parmi ses prisonniers, il se trouvait un vieillard très âgé qui n'avait plus de dents et qui pouvait à peine remuer. Le sultan lui fait demander par son interprète pourquoi, étant si vieux, il était venu dans notre pays et à quelle distance se trouvait le sien. Il répondit « Pour aller d'ici à mon pays, il faudrait mettre plusieurs mois. Et je suis venu ici que pour aller en pèlerinage, à l'église de la Résurrection. » Le sultan fut tellement touché de cette réponse qu'il rendit au vieillard la liberté et lui fournit une monture pour qu'il se rendît au camp de l'ennemi. Les fils les plus jeunes du sultan lui ayant demandé l'autorisation de tuer un de ses prisonniers, il la leur refusa. Comme c'était par mon entremise qu'ils firent cette demande, je priai le sultan de me dire le motif de son refus et il me répondit « Je ne veux pas qu'il s'habitue si jeune à répandre le sang et à se jouer de la vie d'autrui, eux qui à présent ne savent pas la différence entre un musulman et un infidèle. Voyez l'humanité de ce prince, sa retenue et sa modération. » Alors on ne peut pas parler d'agiographie pour l'espace arabo-musulman, Anne-Marie Aidé, mais c'est tout de même une agiographie de Saladin en l'occurrence. On n'en est pas très loin, bien sûr. Ceci dit, encore une fois, il faut savoir lire entre les lignes. Ces textes sont bien sûr influencés peut-être par une certaine littérature agiographique et aussi par un autre type de littérature qui est celle des miroirs des princes, qui sont des traités qui vont décrire et donner des conseils aux princes et leur dire en fait comment ils doivent gouverner et quelles sont les vertus qu'ils doivent mettre en avant, la justice, la générosité, la magnanimité, etc. Donc on retrouve très bien dans ce récit un modèle de souverain tel que il devrait être. Et il y a tout de même une permanence dans ces textes, d'après ce que vous nous racontez, Anne-Marie Aidé, c'est tout de même la surprise de voir ces gens débouler d'aussi loin dans son propre territoire. Il y a un autre texte qui dit la même chose à propos de Saint-Louis. On lui dit, mais pourquoi est-ce que vous venez ici? Qu'est-ce que vous venez faire en Égypte? Et donc ça, c'est assez étonnant. Oui, alors là, il y a une évolution, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, il y a une incompréhension au lendemain de la première croisade. Et puis, progressivement, les musulmans vont comprendre les motivations des Francs. Ils vont comprendre l'importance que revêt Jérusalem pour eux. Ils vont comprendre l'importance des reliques, par exemple, pour les Francs. Ils vont comprendre le rôle du pape dans l'appel à la croisade, et on le voit très bien, au fond, ces arguments apparaître au fur et à mesure. Donc, ils finissent par comprendre un petit peu leur motivation. Mais il y a un tournant après le début du XIIIe siècle, au moment où les croisades, et même l'esprit de croisade en Occident, va commencer à décliner. Et là, avec la montée aussi des forces mamelouks, qui sont des esclaves affranchis, qui vont constituer les armées musulmanes et finir par prendre le pouvoir au milieu du XIIIe siècle, au moment précis où Louis IX est en Égypte et va être fait prisonnier, il y a un renversement du pouvoir. Et à ce moment-là, les musulmans qui se sentent en position de force, effectivement, ne comprennent plus qu'un souverain comme Louis IX vienne risquer sa vie et puis débarquer en Égypte au cœur même du pouvoir musulman. Et là, on a des témoignages d'auteurs qui disent en effet, mais que venez-vous faire ici ? Victor Massé d'Épinay. Catherine Croisinaquet, est-ce que cette évolution du regard arabo-musulman sur les croisés, on la trouve aussi dans les sources occidentales. Est-ce que les auteurs racontent la façon dont ils sont vus ou dont ils sont perçus par ceux qu'ils vont déranger? Dans les textes que j'ai pu observer, non, pas vraiment. Donc il n'y a pas du tout justement une espèce de contrepartie, il n'y a pas la prise en compte de ce que les orientaux peuvent dire sur les occidentaux. En revanche, il me semble que dans ces récits, il y a quand même une évolution, et dans le texte de l'histoire de la guerre sainte, le texte est intéressant parce que s'il montre un certain nombre de clichés que l'on trouve dans les chansons de gestes, eh bien il montre aussi une évolution dans la perception des orientaux, et en particulier leur capacité au combat. Et donc là aussi, ils admirent leur manière de combattre, ils reconnaissent aussi une grande force, et puis les valeurs sont les mêmes, et c'est surtout l'image de Saladin qui évolue considérablement dans ce texte. Qui devient une véritable idole, entre guillemets, comme adversaire. C'est-à-dire qu'il est considéré comme un très grand souverain. Il est considéré comme un très grand souverain. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce texte, c'est qu'en fait, les deux grands héros, eh bien, c'est Richard Cœur de Lion et c'est Saladin. En revanche, Philippe Auguste est présenté comme un mauvais roi. Et donc là, c'est là où je rejoins Anne-Marie, c'est-à-dire qu'il y a aussi la mise en place d'une sorte de traité du bon gouvernant qui se lit au fur et à mesure du texte. Mais on voit très bien ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien. Et Saladin, quel dommage qu'il ne soit pas chrétien. et que comprennent-ils de cet Orient compliqué, comme l'aurait dit le général de Gaulle, vers lequel ils se rendent? C'est-à-dire, quelles sont les visions, les sources qu'ils ont pour comprendre les différentes religions qui y cohabitent, la présence de multiples religions chrétiennes sur ce même terrain, etc. Quand ils partent eux-mêmes ces croisés, que ça soit pour la première croisade, oui. On va encore en lire un extrait, ou pour les croisades futures, comme la troisième, sur laquelle vous avez travaillé vous-même. Alors là, vraiment, les sources, il y en a très peu. Enfin, ils partent avec l'image d'un Orient fantasmé qu'ils connaissent à travers la littérature, donc les chansons de gestes ou bien encore les romans d'antiquité. Donc, ils n'ont pas de vision, géopolitique précise. Ils ont quoi, Alexandre en tête? Ah, ils ont Alexandre en tête, mais ils ont aussi, par exemple, pour la quatrième croisade, il y a Constantinople, mais derrière Constantinople, il y a la ville de Troie, qui est la ville mythique, la ville des origines. Donc, ils ont une vision, ils sont fascinés par cet Orient partagé entre répulsion et attirance. Mais ils n'ont pas de source véritablement effective, en tout cas pour les auteurs examinés. Alors, pour l'histoire anonyme de la première croisade, encore un extrait lu par Daniel Königsberg. On a un échange, une discussion sur qui fait quoi et qui est votre adversaire. À ces mots, les envoyés se retirèrent et se rendirent dans l'assemblée impie. Là, ils transmirent à Kobaram et aux autres leur message en ces termes. Nos chefs et nos seigneurs sont extrêmement étonnés que vous ayez pénétré, plein de témérité et d'orgueil, dans la terre des chrétiens, qui est aussi la leur. Peut-être pensons-nous et croyons-nous que vous êtes venus ici avec le dessein d'embrasser le christianisme, ou bien le motif de votre venue est-il de maltraiter les chrétiens de toutes les manières? Tous nos chefs vous demandent unanimement de vous retirer de la terre de Dieu et des chrétiens, que le bienheureux apôtre Pierre a converti autrefois par sa prédication à la doctrine du Christ. Cependant, ils vous permettent encore d'emmener tout ce qui est à vous, chevaux, mulets, ânes, chameaux, brebis, bœufs, tout votre matériel, et de le transporter où vous voudrez. Alors, Kourbaram, chef de la garde du Soudan de Perse, et tous les autres, remplis d'orgueil, répondirent fièrement. Votre Dieu, votre chrétienté, nous ne nous en soucions pas, nous ne les voulons pas, et nous les repoussons complètement en même temps que vous. Nous sommes venus ici parce que nous sommes très étonnés que les seigneurs et les chefs que vous mentionnez appellent leur une terre, que nous avons enlevée à des nations efféminées. Voulez-vous connaître notre réponse? Retournez au plus vite et dites à vos seigneurs que s'ils veulent se faire turcs et renier votre Dieu que vous adorez à genoux, ainsi que mépriser vos lois, nous leur donnerons cette terre et plus encore, et des cités, et des châteaux, au point que nul des vôtres ne restera piéton, mais tous seront chevaliers comme nous le sommes, et nous les aurons toujours en grande amitié. Sinon, qu'ils sachent qu'ils subiront la peine de mort ou seront emmenés enchaînés dans le Khorasan, en captivité perpétuelle, et qu'ils seront nos esclaves et ceux de nos enfants dans tous les siècles. Nos envoyés revinrent rapidement, et nous rapportèrent tout ce que leur avait répondu cette gente très cruelle. On raconte que Herloin, qui connaissait les deux langues, servit d'interprète à Pierre l'Ermite. Pendant ce temps, notre armée subissait deux épouvantes et ne savait que faire. D'un côté, en effet, nous étions minés par une famine atroce. De l'autre, la crainte des Turcs nous obsédait. Extrait de l'histoire anonyme de la première croisade. Alors, voilà bien une histoire intéressante tout de même dans cette histoire anonyme de la première croisade, Anne-Marie Aidé, c'est l'idée que cette terre appartient à qui? Est-ce qu'elle appartient à ceux que Pierre a décidé au nom du Christ de mettre sur cette terre, ou est-ce qu'elle appartient à ceux qui s'en sont emparés plus tard et ceux qui ont vaincu, comme le dit le texte, les nations efféminées, Anne-Marie Aidé? C'est intéressant que de réfléchir à cette question de à qui appartient cette terre et pourquoi vous êtes venu chez nous ou pourquoi nous y sommes et nous y resterons. Oui, je pense que du côté musulman, on ne se posait pas trop la question, c'est-à-dire que la terre appartient à celui qui l'a conquise, et c'est la force qui prédomine. À la fin du XIe siècle, c'est-à-dire au moment où la première croisade va débarquer en Orient, c'est un tournant politique et militaire dans cette région, c'est-à-dire qu'au milieu du XIe siècle, il y a une nouvelle dynastie, une dynastie de Turcs qui a surgi, qui s'est installée à Bagdad. La capitale du califat, qui a fait reconnaître son pouvoir par le calife et qui va s'étendre vers la Syrie-Palestine et qui va conquérir donc cette région et qui va aussi conquérir, et c'est la première fois dans l'histoire, que l'Anatolie rentre dans la sphère musulmane. Et c'est donc le début, en quelque sorte, de la naissance de la Turquie future. Donc, c'est la force qui détermine les choses. C'est la force militaire et les Turcs Seljoukides, donc le nom de cette dynastie, ont conquis cette région, elle leur appartient, et par conséquent, il n'est pas question de retourner 2000 ans en arrière. Il y a tout de même quelque chose de très intéressant, c'est qu'on en oublierait presque qu'il n'y a pas que des arabo-musulmans dans cette région du monde, et qu'il y a aussi des chroniqueurs, il y a aussi des récits qui viennent, par exemple de Coptes, par exemple de chrétiens melkites ou d'autres, qui, évidemment, ont peut-être une autre vision de l'arrivée de ces croisés. Ont-ils d'ailleurs une autre vision de l'arrivée de ces croisés ? Oui, alors il est très intéressant en effet de regarder un peu ce qui se dit du côté des auteurs chrétiens. Vous savez qu'à cette époque, les chrétiens sont divisés en une mosaïque de communautés. On n'a pas le temps d'entrer ici dans le détail, voilà, qui sont pas toujours bien vus du côté de Byzance et de Constantinople. Donc c'est assez compliqué parce que je crois qu'il faut distinguer deux types d'auteurs chrétiens qui vont écrire des choses sur les croisés et les croisades. Il y a ceux qui vont vivre en territoire latin conquis, c'est-à-dire par exemple qui vivent à Antioche. Je pense en particulier à Michel le Syrien, qui est patriarche en plus et qui va écrire une grande histoire et qui, lui, se sent un peu plus libre de critiquer. Mais il critique tout le monde, en fait. Il critique aussi la façon dont agissent les croisés, parce que ces croisés sont des latins. Ils ne traitent pas toujours comme il faudrait les communautés chrétiennes d'Orient, qu'ils considèrent aussi un petit peu comme des schismatiques ou même parfois pire comme des hérétiques. Il y a d'un côté les auteurs chrétiens qui vivent en territoire latin, les chrétiens orientaux qui vivent en territoire latin et qui vont se sentir un petit peu plus libres dans leur critique vis-à-vis du monde musulman. Et puis il y a ceux qui vivent en Égypte, par exemple, ou à Damas, ou en territoire ou à Bagdad et en Irak, qui sont en territoire musulman et qui évidemment sont beaucoup plus prudents dans leur façon d'envisager les croisades. Mais je pense qu'il n'y a pas que de la prudence. Il y a aussi cette méfiance à l'égard de ces chrétiens latins qui arrivent avec un sentiment malgré tout de supériorité, et on a les témoignages notamment de certains chrétiens coptes d'Égypte qui disent qu'après la prise de Jérusalem par les Francs, ils ont été interdits de séjour et ils ne pouvaient même plus aller en pèlerinage au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Donc on voit que les rapports entre les chrétiens eux-mêmes n'étaient pas aussi simples. Victor Massé-Lépinet. Au milieu de ces peuples et de ces échanges, il y a une figure qui est importante qui est évoquée dans le dernier texte qu'a lu Daniel Königsberg, c'est la figure de l'interprète. Oui. Est-ce que toutes ces sources sur les croisades nous renseignent beaucoup sur ce qu'ont été véritablement ces interprètes et le rôle qu'ils ont tenu, Catherine Croisinacker? Alors, il faut voir l'ensemble de la production historiographique pour s'en rendre compte, mais effectivement, ils ont un rôle extrêmement important. On parle du jugement, enfin, c'est un terme qui revient à plusieurs reprises, et c'est effectivement eux qui assurent le lien entre les orientaux et les occidentaux. Et alors, peut-être aussi que c'est par leur biais que des informations ont été livrées aux pèlerins sur place, enfin en tout cas à certains d'entre eux, qui leur ont permis aussi donc de donner des informations nouvelles, voire tout à fait inattendues. Oui, on pourrait aussi ajouter que au bout d'un certain temps, les Francs étant restés quand même presque 200 ans dans la région, les Francs qui sont nés en Orient apprennent parfois l'arabe, et a effectivement des témoignages de Francs qui connaissaient l'arabe et qui servaient d'interprètes. Et les sultans d'ailleurs font parfois la différence entre ces francs installés et restés sur place et les francs venant par vagues successives depuis l'Europe. Qui connaissaient beaucoup moins l'Orient et qui se distinguaient par leur méthode parfois plus brutale. Et il y a juste une petite anecdote qui insiste justement sur cette importance des interprètes et qui rapporte que lors de la troisième croisade, comme il y avait des francs qui venaient de toutes les régions d'Europe et qui parlaient pas tous la même langue, eh bien il fallait en fait traduire d'une langue vers une autre, et on imagine ce que le résultat devait être au bout de la chaîne. Oui, tout à l'heure on disait que Saladin est apparu comme une sorte, on aurait aimé qu'il fût chrétien, en l'occurrence... Certains l'ont même converti dans leur récit au christianisme. Absolument extraordinaire, parce qu'il y a des récits de la fin du XIIIe siècle et du XVe siècle où Saladin a pour aïeul la fille du comte de Ponthieu qui est donc née au nord-est de la France par une série évidemment d'aventures assez extraordinaire. Et de l'autre côté, chez les auteurs arabes, une figure comme celle de Louis IX, ou plutôt celle de Frédéric II, est une figure très intéressante parce que on voit en Frédéric II, celui qui s'était installé au bout de la botte de l'Italie et qui, évidemment, avait une cour très particulière, très cosmopolite, pourrait-on dire. On y voit quelqu'un qui serait un ami des Arabes, contrairement aux autres souverains, en l'occurrence Anne-Marie. Oui, Frédéric II a la cote chez les auteurs arabes, ça, incontestablement, beaucoup plus que Louis IX, qui est respecté, mais qui est jugé comme quelqu'un d'idéaliste, qui n'a aucun sens des réalités. Tandis que Frédéric II est considéré, en effet, comme un ami des Arabes pour plusieurs raisons. D'abord, Frédéric II a été élevé en Sicile, il a grandi dans un milieu où il y avait à la fois des habitants de culture grecque, de culture arabe, de culture latine, et donc il connaît cette culture arabe, on dit même qu'il parlait, qu'il avait des notions d'arabe, et en plus, Frédéric II était quand même le principal ennemi du pape en Occident à cette époque. Or, les Arabes sont conscients à ce moment-là que le pape l'ennemi est celui, ben voilà, et que le pape est celui qui appelle à la croisade, et donc cela favorise les négociations entre le sultan d'Égypte et Frédéric II, et qui vont aboutir ces négociations à un traité quand même très important puisqu'il procède Jérusalem aux Francs sans aucun combat en 1229. Catherine Croisinacqué, sur justement cette figure de Frédéric II, ou plus exactement sur la façon dont on envisage l'adversaire, par exemple dans l'histoire de la guerre sainte, est-ce qu'il y a quelque chose, une figure particulière qui surgit, celle de Richard Cœur de Lion, disait-il. Ah bah celle de Richard Cœur de Lion, oui, j'allais dire, c'est le héros de cette histoire, et donc Richard Cœur de Lion est montré effectivement comme un roi, le roi chevalier, comme on l'a souvent appelé, et parfois même, il a même des traits d'un parfait chrétien, d'un roi très chrétien, alors que c'est Philippe Auguste, justement, qui revêt en quelque sorte cette image. Oui, il y a un roi ici qui est montré possiblement empathique avec Saladin. Et vous évoquiez tout à l'heure la question des traductions, des fixeurs. Il faut absolument, si vous en avez l'occasion, écouter les quatre leçons qu'avait données au Collège de France, je crois que c'était il y a deux ans, Zrinkast Aljak, à l'invitation de Patrick Boucheron, sur les fixeurs au Moyen-Âge. Elle-même a été fixeuse pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Elle est partie ensuite enseigner aux États-Unis. Elle travaille ces temps-ci à un ouvrage sur ces personnages, ces passeurs, ces traducteurs, qui sont entre les deux mondes, et vraiment ces quatre leçons sont tout à fait intéressantes pour montrer justement ce qu'il en est de ces personnages qui permettent l'arrivée des pèlerins alors que nous sommes en pleine croisade, qui les accueillent sur place. Zrinkast Aljak, c'est donc sur les cours du Collège de France. Merci à toutes les deux, merci Anne-Marie Hédé, merci à vous Catherine Croisinacqué. Demain nous concluons notre série sur cette question des témoignages et des littératures de témoignages avec un texte un peu particulier en l'occurrence. Oui, un texte un peu particulier parce qu'il n'est pas anonyme, il est signé d'une certaine Violette Ayot, mais cette Violette Ayot, on n'en trouve pas beaucoup de traces, ni dans les archives. On est quand même allé vérifier à Digne dans les archives, on n'en trouve pas beaucoup de traces, mais enfin c'est un texte qui s'appelle « L'homme semence » qui aurait été écrit en juin 1919, donc il y a 100 ans exactement, et à l'occasion des 100 ans de l'écriture, l'éditeur, les éditions Parole, qui sont dans les Alpes de Haute-Provence, va organiser des rencontres au monastère de Ségriès, à Moustier-Sainte-Marie, des universitaires, des troupes de théâtre, et aussi beaucoup de gens intéressé par la mémoire de l'insurrection républicaine de 1851. Il y avait là un sujet pour la fabrique de l'histoire. Nous y sommes allés avec Thomas Duterre et c'était passionnant. Je suis une dame âgée et j'ai hérité de quelque chose quand j'étais une jeune femme, mais je l'ai gardé pour moi parce que, en particulier quand j'étais jeune, c'était une histoire qui n'était pas facile à dire. Ça sent un peu le soufre, on va dire, entre guillemets. Et donc elle l'a gardé et puis elle s'est aperçue qu'à la fin de sa vie, quand elle était plus âgée, c'était pas scandaleux et elle s'est dit, bon ben, moi je l'ai reçu. Un peu par hasard, il faut que je le transmette à d'autres, donc je vous apporte ça. Mais moi, j'y suis pour rien, je suis que celle qui a reçu ça, et je vous le passe, et je ne veux pas apparaître dans cette histoire. Et... Oui, c'est surprenant. Donc on peut se demander, bien sûr, qui a écrit ce bouquin. Est-ce que cette Violette Ayot, aille, eau, bon, comme de l'ail, et eau comme auteur, Violette, comme la lavande, qui pousse par ici. Violette Ayot a-t-elle vraiment existé ou bien elle n'a pas plus existé que Shakespeare qui, comme chacun sait, n'a jamais existé, mais... Mais toutes les pièces ont été écrites par un inconnu qui signait Shakespeare. Voilà, c'est ça. L'homme semence, une moisson d'histoire. Victor Massé de l'Épinay, Thomas Duterre. Le sol mort. Le 19 juin 1919, j'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852 parce que, pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de perdre tous ses hommes sans exception. Le dernier est mort le jour de l'armistice, le 11 novembre dernier. Pour nous, les femmes, il n'y a pas victoire, mais vide. Et je joins mes larmes à celles de toutes les femmes allemandes ou françaises, qui errent dans leur maison sans homme. Je pleure ces bras perdus, faits pour nous serrer et renverser les brebis lors de la tonte. Je pleure ces mains fauchées, faites pour nous caresser et tenir la faux pendant des heures. J'avais 16 ans en 1851, 35 ans en 1870 et 84 aujourd'hui. À chaque fois, la République nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C'était un travail propre. Mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, n'ont plus donné de récolte. À tant faucher les hommes, c'est la semence qui a manqué. Voilà donc un extrait de votre documentaire sur l'homme semence, un succès d'édition, je crois traduit en 5 langues, Victor Massé de l'Épinay. Oui, 5 langues, aussi, ça continue. Redécouvert récemment. Ce texte, donc, qui aurait été écrit en 1919, rappelant des événements de 1851, avec un village plein de femmes, mais pas d'hommes, et l'arrivée de l'homme semence qui va ensemencer ces femmes. C'est donc une histoire assez mythologique, pourrait-on dire, qui sera racontée dans le documentaire demain sur la question du témoignage. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Ludovic Auger était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Puis un grand salut à Daniel Königsberg qui nous a accompagnés pendant 20 plus de 20 ans. Plus de 20 ans même. Merci donc Daniel d'avoir été avec nous à nos côtés pour lire les textes et en particulier ceux de cette journée autour des croisades et des récits de croisades. Merci à toi.